Nous sommes dimanche 11 juin 2023. Bonjour, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. Un homme de la commune Essonga est sous interrogatoire. Des vaches volées ont été attrapées chez lui. La police communale de Essonga dit qu'elle menait des enquêtes. Les riverains du parc de la Rouvouvou, dont les champs sont dévastés par les animaux, devraient être indemnisés. Constat de l'environnementaliste Jacques Nguengurutse après ses recherches sur les conflits entre les riverains de ce parc et les gardiens. Et hors de nos frontières, le président iranien visite ce dimanche trois pays en Amérique latine. Voilà pour l'essentiel. Alphonse Koubguimana est à la manette du son. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Je vous le disais tantôt, un homme est détenu au cachot du commissariat communal de Essonga en province Bururi depuis ce samedi. Il est en train d'être interrogé sur le dossier concernant quatre vaches saisies chez lui à Kiryama, dans la même commune. Ces vaches avaient été volées la nuit du 7 de ce mois sur la colline Karagara de la commune et province Rubongue après l'assassinat du propriétaire la même nuit, selon les enquêtes déjà menées par la police, qui est à la recherche d'un domestique du propriétaire de ces vaches, principal auteur de ce vol et assassinat, n'est-ce pas Zenon Nzambiman? Cet homme est locataire du cachot du commissariat communal de la police à Essonga après que quatre vaches aient été saisies ce vendredi chez lui à Kiryama, dans cette même commune. Selon les sources policières, ces vaches avaient été volées la nuit 17 de ce mois en cours sur la colline Karagara de la zone Buruhukiro, en commune et province de Rumonge, après avoir tué un homme d'une de Kayimbi, propriétaire de ces vaches. Et selon les enquêtes déjà menées par la police à Bururi, son domestique d'une de Cédric Niomungere serait parmi les auteurs de toutes ces infractions, surtout qu'il était lui aussi ce vendredi chez cet homme appréhendé à Kiryama où ses vaches ont été saisies. Mais Cédric a directement pris le large après avoir laissé sur place sa carte nationale d'identité, selon le commissaire provincial de la police à Bururi. Colonel de police Manilagaba Dieudonné fait savoir que la police est à sa poursuite pour qu'il soit traduit en justice, de même que d'autres auteurs complices. Et les vaches saisies sont pour le moment dans les mains du commissariat communal de la police à Essonga en attendant qu'elle soit remise officiellement au propriétaire et à l'administration communale de Rumonge. Colonel de police Manilagaba Dieudonné salue déjà la collaboration dans la quadrilogie, ce qui a permis l'arrestation de cet homme présumé auteur et le saisie de ses vaches volées. Il demande que cette collaboration puisse aller de l'avant pour que tous les auteurs de ce vol et assassinat dont les enquêtes continuent soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. Des indemnisations devraient être rendues aux victimes de destruction des champs environnants le parc de la Rouvouvou par des animaux vivants dans ce parc. Analyse de Jacques Nguengurutse, environnementaliste et professeur de l'Université du Burundi. C'est après les recherches qu'il a menées sur les conflits entre les agriculteurs et les gardiens de ce parc. Il explique qu'une fois les populations riveraines entrent clandestinement dans cette réserve, une fois attrapées, sont sévèrement punies. Jacques Nguengurutse demande au pouvoir public de se pencher sur cette question pour éviter ce deux poids, deux mesures. Suivez-les, ces propos ont été recueillis par Evariste Ndikobanyang. Et alors, quand nous avons posé la question, les résultats de notre recherche, c'est que nous avons trouvé que la majorité nous disent que le parc est important. Mais quand tu leur poses la question, pourquoi le parc est important, ils vont te parler du gibier, de la viande qui tire dans le parc, alors que c'est interdit. Ils vont te parler des prélèvements, du bois de chauffage, de la paille, de tout ce que normalement est interdit du parc. Donc, ça veut dire que même ces gens-là qui trouvent important, c'est que quelque part, il y a déjà un conflit parce qu'ils sont en train de parler de l'importance du parc sur des aspects normalement qui ne devraient pas. Alors, ceux qui nous disent qu'ils ne sont pas intéressés par le parc, en fait, ils reviennent à la même chose. Ils vont dire qu'on nous interdit d'y entrer, on nous interdit d'aller pêcher du poisson, on nous interdit d'aller prendre du bois, on nous interdit. Mais alors, ils ajoutent aussi l'autre problème, le plus sérieux, c'est qu'ils sont frustrés par les destructions des champs par les animaux du parc, essentiellement les babouins et les buffles. Et donc, Ça, je trouve, les deux constituent le problème clé, le problème fondamental, sinon il y a d'autres problèmes. Hein. Il y a ceux qui te disent qu'ils n'ont pas été indemnisés à juste valeur, il y a ceux qui te disent qu'ils ont quitté des terres fertiles pour aller être relogés sur des terres non fertiles. Et donc, ça veut dire les parties prenantes dans la conservation de la biodiversité dans le parc au Burundi devraient atténuer ces conflits ou tout simplement à résoudre ces conflits dans la mesure du possible. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h02 et poursuivons cette édition. Le Conseil des ministres est tenu mercredi de la semaine en cours à analyser et adopter le projet de convention scolaire entre l'État burundais et l'Église méthodiste unie en matière d'éducation et de formation. Ce projet de convention réaffirme que l'Église méthodiste unie a le droit d'organiser le cours de religion morale tout en respectant le droit de culte dans les établissements qui lui sont confiés. Suivez à ce propos Prosper Nhagwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Il a été constaté la nécessité d'actualiser les conventions de partenariat dans la gestion des institutions d'éducation et de formation avec les confessions religieuses, conformément à ces réformes et aux recommandations des États généraux de l'éducation. Le processus d'actualisation de ces conventions a abouti à la mise en place d'une convention type Église-État au Burundi, assorti des modalités d'application s'y rapportant en vue de sa redynamisation. Ce projet de mise à jour de la convention scolaire entre l'État du Burundi et l'Église méthodiste unie au Burundi, signé le 15 avril 2002, a été préparé, analysé et accepté par les deux parties. Il se réfère à cette convention type. Ce projet de convention réaffirme que l'Église méthodiste unie a le droit d'organiser le cours religion morale tout en respectant le droit de culte dans les établissements qui lui sont confiés. Il est également indiqué que les établissements sous convention font partie intégrante de l'enseignement public et sont administrés et gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions de la présente convention. Le projet indique également la part de la contribution de l'Église méthodiste unie aux efforts de l'État dans le développement de l'enseignement en termes de moyens matériels et financiers. À l'issue de l'analyse de ce dossier, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de mettre une disposition qui précise que l'école revient automatiquement dans les mains de l'État si, après un certain temps, l'Église n'arrive pas à accomplir ses obligations vis-à-vis de cette école. Introduire une disposition indiquant que les terrains octroyés par l'État sur lesquels sont érigées les écoles sous convention restent la propriété de l'État. Revisiter toutes les conventions signées afin de s'assurer que les terrains octroyés par l'État ont été ou sont en train d'être exploités conformément à l'objet pour lequel ils ont été donnés. Envisager le retrait des terrains octroyés par l'État et qui ne sont pas exploités pour les confier aux coopératives. Éviter de donner des titres de propriété pour les terrains octroyés pour l'exploitation dans un but social. Et pour boucler cette édition, un offre de soulagement chez les habitants de Muyange, Kigwati et Gatwaro en commune et province Kayanza lié à l'aménagement des ravins qui ces derniers jours menaçaient leur maison d'habitation. Au niveau de l'Obuha, antenne Kayanza, l'on indique que si le matériel importé est disponible à temps, les travaux seront exécutés dans une période ne dépassant pas 3 mois. Les détails avec Patrick Sengiyumva. Il y a déjà 3 ans que ces ravins se font remarquer dans ces quartiers de la ville de Kayanza, tel que Gatwaro, Kigwati et Muyange. L'origine de ces ravins est principalement les ondes de ruissellement pendant la période et des fortes précipitations. D'après la population qui habitait près de ces ravins, d'une année à une autre, les mêmes ravins s'agrandissent, s'approchant ainsi leurs maisons d'habitation. Certains d'ailleurs indiquent que leurs maisons se sont déjà écroulées et que d'autres ont déménagé de peur d'être emportés avec leurs maisons par ces ravins. Il y a 2 semaines que les travaux d'aménagement de ces ravins ont commencé. Les habitants qui vivent près de ces fossés disent beaucoup se réjouir de ces activités et demandent que d'autres ravins qui se font remarquer ici et là en ville de Kayanza soient bouchés aussi. Nous sommes très contents. Vous voyez, nous étions trop menacés. Il ne restait que quelques mètres pour que nos maisons s'écroulent. Mais le chemin est encore long car toute cette partie, ce sont des ravins uniquement. Les concernés devraient s'y pencher aussi avant qu'ils ne causent d'autres dégâts. Au quartier soit Swahili, il y a deux ravins. J'ai bien accueilli le commencement de ces travaux. Que les initiateurs soient bénis, car beaucoup d'habitants voulaient quitter leur maison à cause de ce ravin. Nous apprécions beaucoup et nous demandons aux concernés d'achever les travaux avant la période des pluies pour éviter d'autres dégâts. Au niveau de l'office burundais, de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction bois en Siglanté et Kayanza, on indique que les travaux d'aménagement de ces ravins seront exécutés dans une période ne dépassant pas 3 mois. Selon lui, Ninhérese, chef d'antenne provinciale de le bois à Kayanza, il faut que ces travaux finissent avant la prochaine saison pluvieuse. Le coût de ces travaux d'aménagement de ces ravins est estimé à 2 milliards de nos francs. Depuis Kayanza, Patrick Senguimba pour la radio Isanganilo. Actualité internationale. Hors de nos frontières au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre ont repris les combats ce dimanche matin, peu de temps après l'expiration d'une énième cessez-le-feu de 24 heures négocié la veille par les médiateurs saoudiens. Cette nouvelle trêve a permis aux habitants de Khartoum de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale. Le répit a été de courte durée au Soudan. Les combats ont repris ce dimanche 11 juin à Khartoum, peu de temps après l'expiration d'une trêve de 24 heures. Les habitants de Khartoum ont été réveillés par des tirs d'artillerie et de bruits de combat dans plusieurs quartiers de la capitale, ont raconté les témoins à l'AFP. Et le président iranien ultra-conservateur Ebrahim Raisi se rendra ce dimanche 11 juin au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. Objectif, renforcer les liens avec ces trois pays d'Amérique latine face aux États-Unis, leur adversaire commun. Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, point commun entre ces États, tous sont visés par les sanctions américaines. Et voilà, à 13h08, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouigmana qui était à la manette du son. Au revoir.